Chapitre 22e. Madeleine, nous l'avons dit, s'était en sortant de chez M. Pascal, fait conduire chez Mme Dutertre. Celle-ci était seule, retirée dans sa chambre à coucher, lorsque la servante lui annonça la marquise. Sophie, alors assise dans un fauteuil, semblait en proie à un grand désespoir. À la vue de son amie, elle releva vivement la tête. Ses traits, navrés, baignés de larmes, étaient d'une pâleur mortelle. « Tiens, lis, et ne pleure plus !» s'écria tendrement Madeleine en lui remettant l'acte signé par M. Pascal. « Hier avais-je tort de te dire, espère ?»« Ce papier, » reprit Mme Dutertre avec surprise, « qu'est-ce que c'est ? Explique-toi. »« Ta délivrance est celle de ton mari. »« Notre délivrance ?» M. Pascal s'est engagé à donner à ton mari tout le temps que celui-ci demandait pour s'acquitter. « Il serait vrai ?»« Non. » Non, tel bonheur. Encore une fois, c'est impossible. Lis donc, incrédule. Sophie parcourut rapidement l'acte, puis regardant la marquise avec stupeur. Cela tient du prodige, reprit-elle. Je ne puis en croire mes yeux. Et par quel moyen? Mais mon Dieu, c'est de la magie. Peut-être, répondit Madeleine en souriant. Qui sait? Ah, pardon, mon ami, s'écria Sophie en se jetant au cou de la marquise. Ma surprise était si vive qu'un instant elle a paralysé ma reconnaissance. Tu nous arraches à la ruine, nous et nos enfants, nous te devons tout, bonheur, sécurité, fortune. Oh Madeleine, tu es notre ange sauveur. L'expression de la reconnaissance de Madame Dutertre était sincère. Cependant la marquise remarqua dans l'accent, dans le geste, dans le regard de son amie, une sorte de contrainte. Sa physionomie ne semblait pas sereine, radieuse, comme elle aurait dû le devenir à la nouvelle d'un salut inespéré. Un autre chagrin préoccupait évidemment Madame Dutertre. Aussi, après un moment de silence attentif, Madeleine reprit « Sophie, tu me caches quelque chose. Tes chagrins ne sont pas à leur fin. » « Peux-tu le croire, lorsque, grâce à toi, Madeleine, notre avenir est aujourd'hui aussi beau, aussi assuré qu'il l'était hier, désespéré, lorsque... « Je te dis, moi, ma pauvre Sophie, que tu souffres encore. » Je devrais lire sur tes traits la joie la plus entière, et tu peux à peine dissimuler ton chagrin. Me croirais-tu ingrate? Je crois ton pauvre cœur blessé, oui. Et cette blessure est si douloureuse qu'elle n'est pas même adoucie par la bonne nouvelle que je t'apporte. Madeleine, je t'en conjure, laisse-moi. Ne me regarde pas ainsi, cela me trouble. Ne m'interroge pas, mais crois, oh, je t'en supplie, crois bien que de ma vie, je n'oublierai ce que nous te devons. Et Madame Dutertre cacha sa figure entre ses mains et fondit en larmes. La marquise réfléchit quelques instants, parut hésiter et reprit « Sophie, où est ton mari ?» La jeune femme tressaillit, rougit et pâlit tour à tour et s'écria involontairement et presque avec crainte « Tu veux donc le voir ?»« Oui. » « Je ne sais s'il est en ce moment à l'usine, » répondit Madame Dutertre en balbutiant. « Mais si tu le désires, si tu y tiens absolument, je vais le faire demander, afin qu'il apprenne de toi-même tout ce que nous te devons. » La marquise secoua mélancoliquement la tête et reprit « Ce n'est pas pour recevoir les remerciements de ton mari que j'aurais voulu voir Sophie. C'eût été pour lui faire comme à toi mes adieux. »« Tes adieux ? Ce soir, je quitte Paris. »« Tu pars ?» s'écria Madame Dutertre. Et son accent trahit un singulier mélange de surprise, de tristesse et de joie. Aucune de ces nuances ne devait échapper à la pénétration de Madeleine. Elle éprouva d'abord une impression pénible. Ses yeux devinrent humides. Puis, surmontant son émotion, elle dit à son amie en souriant avec douceur et prenant ses deux mains entre les siennes « Ma pauvre Sophie, tu es jalouse. Madeleine, tu es jalouse de moi, avoue-le. Je t'assure... « Sophie, sois franche. Me nier cela serait me faire penser que tu crois que j'étais sciemment coquette avec ton mari. Et Dieu sait ce qui en est. Je ne l'ai vu qu'une fois, en face de toi. »« Madeleine !» s'écrie la jeune femme avec effusion et sans pouvoir retenir ses larmes. « Pardonne-moi. Ce sentiment est honteux, indigne, car je connais l'élévation de ton cœur. Et à ce moment encore, tu viens nous sauver tous. Mais si tu savais... » « Oui, ma bonne Sophie, si je savais, mais je ne sais rien. Voyons, fais-moi ta confession jusqu'au bout. Peut-être me donnera-t-elle une bonne idée. Madeleine, en vérité, j'ai honte. Je n'oserai jamais. Voyons, que crains-tu puisque je pars? Puisque je pars ce soir. Tiens, c'est là ce qui me navre et m'irrite contre moi-même. Ton départ me désole. Je vais espérer te voir ici chaque jour, pendant longtemps peut-être, et pourtant... Et pourtant, mon départ te délivrera d'une cruelle appréhension, n'est-ce pas? Mais c'est tout simple, ma bonne Sophie. Qu'as-tu à te reprocher, puisque ce matin, avant de venir te voir, j'avais résolu de partir? Oui, tu dis cela, vaillante et généreuse comme tu l'es toujours. Sophie, je n'ai jamais menti. Je te répète que ce matin, avant de t'avoir vu, mon départ était arrêté. Mais je t'en conjure, dis-moi quelles causes ont éveillé ta jalousie. Cela est peut-être plus important que tu ne le penses pour la tranquillité de ton avenir. Eh bien, hier soir, Charles est rentré, brisé de fatigue et d'inquiétude, épouvanté des promptes mesures dont Pascal le faisait menacer. Malgré ses préoccupations terribles, il m'a encore longuement parlé de toi. Alors, je te l'avoue, les premiers soupçons me sont venus, en voyant à quel point ton souvenir dominait sa pensée. Charles s'est mis au lit. Je suis restée pensive, assise à son chevet. Bientôt il s'est endormi, épuisé par les poignantes émotions de cette journée. Au bout de quelques instants, son sommeil, d'abord tranquille, a paru agité. Deux ou trois fois, ton nom est sorti de ses lèvres, puis ses traits se sont péniblement contractés, et il a murmuré, comme s'il eût été oppressé par un remords, « Pardon, Sophie, pardon, et mes enfants, oh, Sophie !» Puis, il a encore prononcé quelques mots inintelligibles et son repos n'a plus été troublé. Voilà tout ce qui s'est passé, Madeleine. Ton nom seulement prononcé par mon mari durant son sommeil. Et cependant, je ne puis te dire le mal affreux que cela m'a fait. En vain, je cherchais la cause de cette impression si vive, si soudaine, car Charles ne t'avait vu qu'une fois, et pendant un quart d'heure à peine. Sans doute, tu es belle, oh, bien belle, et je ne puis t'être comparée, je le sais. Cependant, jusqu'ici, Charles m'avait toujours tant aimé. Et la jeune femme ne put retenir ses larmes. Pauvre et bonne Sophie, reprit la marquise avec attendrissement, rassure-toi, il t'aime, il t'aimera toujours, et tu m'auras bientôt fait oublier. Madame du Tertre soupira en secouant tristement la tête. Madeleine poursuivit. Crois-moi, Sophie, il dépendra de toi de me faire oublier, de même qu'il eût dépendu de toi d'empêcher ton mari de songer un seul instant à moi. Que veux-tu dire? Tout à l'heure, j'ai provoqué ta confidence en t'assurant qu'elle assurait sans doute quelque heureux résultat pour ton bonheur à venir et pour celui de ton mari. Je ne m'étais pas trompé. Explique-toi. Voyons. Figure-toi, ma bonne Sophie, que tu es à confesse, reprit Madeleine en souriant. Oui? Imagine-toi que tu es au confessionnal de ce grand et gros abbé Jolivet, tu sais, l'aumônier de la pension, qui nous faisait de si étranges questions lorsque nous étions jeunes filles. Aussi, depuis ce temps-là, me suis-je toujours demandé pourquoi il n'y avait pas d'abbesse pour confesser les jeunes filles. Mais comme, sans être abbesse, je suis femme, ajouta la marquise en souriant de nouveau, je peux hasarder quelques questions dont notre ancien confesseur eût été fort affriandé. Voyons, dis-moi, et ne rougis pas. Ton mari t'a épousée par amour. Hélas, oui. Veux-tu bien ne pas gémir à propos d'un si charmant souvenir? Ah, Madeleine, plus le présent est triste, plus certains souvenirs nous navrent. Le présent, l'avenir, seront ce que tu voudras qu'ils soient. Mais réponds-moi. Pendant les deux ou trois premières années de ton mariage, vous vous êtes aimés. Aimés en amant, n'est-ce pas? Tu me comprends. La jeune femme baissa les yeux en rougissant. Puis, peu à peu, sans que votre affection diminuât pour cela, cette tendresse passionnée a fait place à un sentiment plus calme, que votre amour pour vos enfants a rempli de charme et de douceur. Mais enfin, les deux amants n'étaient plus que deux amis réunis par les devoirs les plus chers et les plus sacrés. Est-ce vrai? Cela est vrai, Madeleine. Et s'il faut te le dire, quelquefois j'ai regretté ces jours de première jeunesse et d'amour. Mais je me suis reproché ces regrets, me disant qu'ils étaient incompatibles peut-être avec les sérieux devoirs qu'impose la maternité. Pauvre Sophie. Mais dis-moi, ce refroidissement, ou plutôt Votre transformation d'amant en époux, en ami, si tu veux, n'a pas été soudaine, n'est-ce pas? Cela est venu insensiblement, presque sans que vous vous en soyez aperçu. En effet, mais comment sais-tu? Encore une question, chère Sophie. Dans les premiers temps de votre amour, toi et ton mari, vous étiez, j'en suis certaine, très coquets l'un pour l'autre. Jamais ta toilette n'était assez fraîche, assez jolie. Rehaussé par la recherche et par la grâce tout ce qu'il y avait en toi de charmant. Enfin, plaire à ton mari, le séduire toujours, le rendre amoureux toujours, telle était ta seule pensée. Ton Charles avait sans doute quelques parfums de prédilection, et tes beaux cheveux, tes vêtements, exhalaient ces douces senteurs qui, lors de l'absence, matérialisent, pour ainsi dire, le souvenir de la femme aimée. C'est vrai, nous adorions l'odeur de la violette et de l'iris. Ce parfum me rappelle toujours nos beaux jours d'autrefois. Tu vois donc bien, quant à ton mari, je n'en doute pas, il luttait avec toi de soin, d'élégance et de goût dans les plus petits détails de sa mise. Enfin, tous deux, ardents, passionnés, vous pariez avec délices vos jeunes amours. Mais hélas, du sein de ce bonheur si facile, si commode, est sorti peu à peu l'habitude. L'habitude, ce fatal précurseur du sans-gêne, du sans-façon, de la négligence de soi, l'habitude. D'autant plus dangereuse que souvent elle ressemble à s'y méprendre à un confiant et intime abandon. Aussi l'on se dit « Je suis sûr d'être aimé, à quoi bon ces recherches, ces soins de tous les instants ? » Que sont ces futilités auprès du véritable amour ? De sorte, ma bonne Sophie, qu'il est venu un jour où, tout absorbé d'ailleurs par ta tendresse pour tes chers enfants, tu ne t'es plus occupé de savoir si ta coiffure saillait plus ou moins bien à ton joli visage, si ta robe se drapait bien ou mal à ton gracieux corsage, si ton petit pied était ou non coquettement chaussé dès le matin. Ton mari, absorbé de son côté par ses travaux, comme toi par la maternité, s'est aussi peu à peu négligé. Insensiblement, vos yeux se sont accoutumés à ce changement, sans presque s'en apercevoir, de même que, pour ainsi dire, l'on ne se voit pas vieillir lorsque l'on vit continuellement ensemble. Et cela est si vrai, chère Sophie, que si, à cette heure, tu évoquais par le souvenir, la recherche, l'élégance, les soins charmants dont ton mari et toi vous vous entouriez au beau temps de vos amours, tu resterais saisie de surprise en comparant le présent au passé. « Il n'est que trop vrai, Madeleine, » répondit Sophie en jetant un regard triste, presque honteux, sur ses vêtements négligés, sur sa coiffure en désordre. « Oui, peu à peu, j'ai oublié l'art, ou plutôt le désir de plaire à mon mari. Hélas, il est maintenant trop tard pour se repentir. »« Trop tard ?» s'écria la marquise. « Trop tard ? Avec tes 25 ans ? Avec cette figure si attrayante ? Trop tard ? Avec cette taille enchanteresse ? Ses cheveux magnifiques, ses dents de perles, ses grands yeux tendres, cette main de duchesse et ses pieds d'enfant, trop tard. Laisse-moi être ta femme de chambre pendant une demi-heure, ma chère Sophie, et tu verras s'il est trop tard pour faire redevenir ton mari ardent et passionné comme autrefois. Ah, Madeleine, il n'y a que toi au monde pour donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, et pourtant la vérité de tes paroles m'épouvante. Hélas, tu as raison, Charles ne m'aime plus. Il t'aime toujours autant, et peut-être même plus que par le passé, pauvre folle, car tu es pour lui l'épouse la plus éprouvée, la tendre mère de ses enfants, mais tu n'es plus l'enivrante maîtresse d'autrefois. Aussi n'a-t-il plus pour toi ce tendre, ce brûlant amour des premiers jours de votre bonheur. C'est un peu bien cru ce que je te dis là, ma bonne Sophie, mais enfin le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il ne nous a pas créé d'essence immatérielle. Tout en nous n'est pas matière, soit, mais tout non plus n'est pas esprit. Bah, crois-moi, il y a quelque chose de divin dans le plaisir. Aussi faut-il le parer, le parfumer, l'aiguiser. Enfin, pardonne-moi cette énormité. En ménage, vois-tu, une petite pointe de luxure n'est pas de trop pour réveiller les sens endormis par l'habitude. Sinon, l'agaçante maîtresse a toujours l'avantage sur l'épouse. Et entre nous, c'est un peu l'avantage de l'épouse, car après tout, voyons, Sophie, pourquoi les devoirs de femme et de mère seraient-ils incompatibles avec les séductions et les voluptés de la maîtresse? Pourquoi le père, le mari, ne serait-il pas aussi un amant ravissant? Tiens, ma bonne Sophie, je vais en deux mots, avec ma brutalité ordinaire, résumer ta position et la mienne. Ton mari t'aime, et il ne te désire plus. Il ne m'aime pas et il me désire. » Puis, la marquise, riant comme une folle, ajouta « N'est-il pas étrange que ce soit moi, une demoiselle, hélas, bien désintéressée dans la question, car je suis comme un gourmand sans estomac qui parlerait d'une chair délicieuse. N'est-il pas étrange que ce soit moi qui fasse ainsi la leçon à une femme mariée ?»« Ah, Madeleine !» s'écria Sophie avec effusion. « Tu nous auras sauvés deux fois aujourd'hui, car ce que mon mari ressent pour toi, il aurait pu le ressentir pour une autre femme moins généreuse que toi. Et alors, songe à mon chagrin, à mes larmes. Oh, tu as raison, il faut que Charles revoie et retrouve dans sa femme sa maîtresse d'autrefois. » L'entretien des deux amis fut interrompu par l'arrivée d'Antonine.